Dans ma diction, aucune éviction, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Le temps est à l'action, y'a de la forme et du fond. Sans que la nuit te la mette, tu vas sentir c'est profond. Il ne fait pas toujours nuit, t'as ma parole de citoyen. Je peux te conter l'histoire du rap avec le bagou d'un ancien 2-0-1-2. Encore un bal 2. Comme un bon politicien, je reste insensible. En fait, j'hésite entre le centre, les verts, la droite, la gauche. Et si je vote blanc, ce ne sera pas de ma faute. Car la pensée politique est utopique selon Machiavel. La sédition est la solution selon Jika. Dangereux comme le retour d'un gangsta recalé par le physio. Les politicos nous comparent à des idiots. Aucun d'eux n'a autant d'adresse à manipuler les mots. C'est perdu d'avance, Frollo, t'essayes de noyer Nemo. Faire de la Nemo, art du système. J'insiste face au racisme, ma France est africaine. Millions d'euros sur mon compte en banque, ça serait nickel. Comme un libéral face à une info qui veut stop l'envie de Ken. Évitez de nous priver du confort avant que le ghetto prenne Esso comme sponsor. Par passion, on s'est mis dans le son. Aussi pour séparer la vérité du mensonge. Égalité, fraternité, liberté, on connaît la devise. Maintenant on ne demande qu'à voir. Chez nous c'est pas comme chez vous. Oui, chez nous on tient nos promesses. Chez nous on agit, on ne parle pas. 2012, ça sent le danger. Une année de plus, on espère que le monde va changer. Changer. Égalité, fraternité, liberté, oui on connaît. Maintenant on ne demande qu'à voir. L'histoire se répète, encore et encore. L'unité va nous servir à appeler les renforts. Face à ces malades, rien que des grands corps. Mauvais pour le français fort, en maths et en sport. Une croix gammée dans l'hexagone, voilà la géométrie. Bien trop précis, s'accomplit la prophétie. On va se rapprocher même si tu viens d'une autre tessie. Une opportunité, il faut la saisir au plaisir. Peut-être l'amnésia, t'es frappé d'amnésie. Rappelle-toi de la souffrance, rappelle-toi des bons souvenirs. C'était le bon vieux temps, c'est eux qui vont te soutenir. Tu ne vas pas chasser le mal, rien qu'en le temps. On veut de nouveaux horizons, on a trop usé la zone. On pleure des larmes de sang devant des fusils d'assaut. 2012, pas de carte postale, en embuscade postée. Mais tout serait différent si Claude Guéant venait débusquer. J'ai foncé dans le mur, guidé par la violence. Fermer les coffee shops, dans mon hall c'est déjà la Hollande. Ici le silence est d'or, tenir sa langue plus qu'un talent. Passe le salam aux balances, leur sang pourri sur nos phalanges. En face normal qui s'allonge, exposé sur la calandre. Mon ascension est lente, je veux pas périr dans une avalanche. Je pense qu'au RS6, péter un penthouse. Pas de suicide collectif si Marine Le Pen passe. Égalité, fraternité, liberté, on connaît la devise. Maintenant on ne demande qu'à voir. Chez nous c'est pas comme chez vous. Et chez nous on tient nos promesses. Chez nous on agit, on ne parle pas. 2012, ça sent le danger. Une année de plus, on espère que le monde va changer. Changer. Égalité, fraternité, liberté, oui on connaît. Maintenant on ne demande qu'à voir. Ni de money t'assume pas. J'suis tellement algérien que même le marocain je le fume pas. Fianj, so, borsch, ça fait on apprend pas qui on est avant de comprendre qui on sera jamais. 2012, va leur dire que ça passera comme on passe en kill. Dire au cadavre de la scène que la vie est un long fleuve tranquille. J'manque pas de culot dans la survie, l'audace qui prouve le toupé. La vie c'est pas que respirer, c'est d'avoir le souffle. On me déteste, personne me Brian. Ils attendent d'être sortis de la jungle pour parler du lion. Fianj, so à gauche, j'ai l'INO à droite, en somme y'a pas mille fins. La rue c'est comme. La rue c'est comme. La rue c'est comme un labyrinthe. J'grave mes peaux et ma crâne, j'crache, perce les boîtes crâniennes. J'arrache le beat à chaque verre, cette patte c'est la mienne. Les barrages sont défoncés. Face à un tas de hyènes, j'ai les idées foncées. J'rappe les tripes à l'air comme une césarienne. Annoncé dans les quais, j'braque le haut de l'affiche, maîtrise l'alarme. Quand ils shootent, mes soldats se fichent de qui sera là. J'suis un alien, tombé du vaisseau et pour l'éternité. J'serai un monstre qu'on a couvé dans le berceau de l'humanité. Message approuvé. La horde est meilleure quand c'est tendu. C'est pour tous ceux qui me soutiennent comme la Corse soutient le pendu. Salope, j'évite les balles des vendus. Ma rage a grandi dans les Porsches. J'aurais tué pour l'oseille quand les cercueils auront les poches. Égalité, fraternité, liberté, on connaît la devise. Maintenant on ne demande qu'à voir. Chez nous c'est pas comme chez vous. Et chez nous on tient nos promesses. Chez nous on agit, on ne parle pas. 2012, ça sent le danger. Une année de plus, on espère que le monde va changer. Changer. Égalité, fraternité, liberté, oui on connaît. Maintenant on ne demande qu'à voir. Car c'est dans nos textes, de peur que le peuple. peuple s'élève, on tirait sur la foule. On fait pas d'omelette sans vexer la poule. Révolution comme on stealth, on est à la bourre. On parle de nos tests, ouais les tests, nous on est là pour leur dire qu'on a la tech pour changer le cours. Au fond, on ne fait que nous la mettre, ça rend sourd. Ni aveugle, ni muette, la rue joue des tours. On se fout des contractions, on veut le bébé, pas tout ce qu'il y a autour. Yama. Tout ce qu'il y a autour, la merde dans les alentours. Sur ce vote, j'fasserai pas mon tour, pas moyen que mes talents tournent. On se marie comme Babylon et Kingston. La France, les Noirs et les Arabes, mieux qu'un ménage à trois, un trisome. Y'a que pour le fric que l'on frissonne. Originaire d'Afrique, avec la PAC et flic on frictionne. L'Elysée apprécie peu ma rime. Depuis que le FN monte en flèche, j'suis allergique au polo bleu marine. Ça pue le rap, un trait d'union façon Biggie et Tupac. Putain de son, joué dans nos coffres, au vitre au braque. Pendant les contrôles, on sait qui essuie toujours les plâtre. J'ai grandi au grand quartier, sauf au D4. Gros, faut que tu t'écartes, notre jeu de cartes est infini. L'important c'est pas de savoir où tu démarres mais où tu finis. T'es l'espoir pour les petits, attachés à des valeurs. Tourner le vent de l'adversité en sa faveur. Égalité, fraternité, liberté, on connaît la devise. Maintenant on demande qu'à voir. Chez nous c'est pas comme chez vous, mais chez nous on tient nos promesses. Chez nous on agit, on ne parle pas. 2012, ça sent le danger. J'ai une année de plus, on espère que le monde va changer. Égalité, fraternité, liberté, oui on connaît. Maintenant on demande qu'à voir, qu'à voir. Égalité, fraternité, liberté, on connaît la devise. Maintenant on demande qu'à voir. Chez nous c'est pas comme chez vous, oui chez nous on tient nos promesses. Chez nous on agit, on ne parle pas. 2012, ça sent le danger. Une année de plus, on espère que le monde va changer. Égalité, fraternité, liberté, oui on connaît. Maintenant on demande qu'à voir.